nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Une comédie peut être représentée sur scène, une comédie peut être lue par soi-même, elle peut être également lue à haute voix et à voix unique. Tel était dans les années 50 et 60 le principe de l'émission de Michel Pollack, Lecture à une voix. Lorsque le lecteur est un acteur qui prend plaisir à jouer tous les rôles, qui devient tous les personnages, le plaisir ne peut qu'être démultiplié. Alors, vous allez voir comment tout s'enchaîne. Y aura-t-il des suites à une faute, la seule, dans une vie pure? Bon vieillard, bon vieillard, bon vieillard. Et ça, c'est Phèdre avec un spahi. Même dans le carême, il y a la mi-carême. Lecture à une voix, le garçon de Chevéry, d'Eugène Labiche, l'interprète est Robert Hirsch. Première diffusion sur la chaîne nationale, le 1er janvier 1962. Personnage, Anthony, garçon de Chevéry. Anatole Gallimard, rentier. Alexandre, officier de Spahi. Madame Gallimard. La scène se passe chez Gallimard. Le théâtre présente une salle à manger, porte au fond, les portes latérales, un petit guéridon à gauche, une table à droite. Madame Gallimard, seule à la cantonade. C'est bien! Je vous ai payé vos 8 jours, ne revenez jamais, n'est-ce pas? Vous n'êtes qu'une sotte, une péronnelle, allez, allez! Gallimard entre un peu. Jeannette! Jeannette! Jeannette! Je viens de la mettre à la porte, votre Jeannette! Comment? Une si bonne fille l'a renvoyée un jour où j'attends du bois? Mais je l'avais prise pour tout faire et mademoiselle refuse de vernir le ceinturon de notre cousin Alexandre sous prétexte qu'il est militaire. Le ceinturon, que diable, c'est pas l'affaire d'une bonne, c'est l'affaire d'un tambour. Jeannette n'est pas un tambour. Mais aussi je compte prendre un domestique mâle, voilà. Ah bah, je l'attends aujourd'hui. Ma tante doit me l'envoyer. Allons bon, une figure nouvelle, un jour où j'attends du bois. Oh. Mais justement, un homme, c'est plus fort, il pourra vous aider avec votre bois. Oh là là là là. Ah, c'est égal, elle m'allait, moi, cette Jeannette. J'étais habitué à lui dire, Jeannette, ma camomille, Jeannette, ma bourrache, Jeannette, hein. Tandis que je vais avoir un grand gaillard avec de la barbe, comme moi, qui sera électeur, comme moi, et qui ne votera pas comme moi. Et tout ça pour le ceinturon du cousin Alexandre, hein, que le diable l'emporte. Monsieur Gallimard, parlez avec plus de respect d'un jeune officier qui est mon parent, voulez-vous? Bien. Mais c'est très désagréable pour un mari de rencontrer dans tous les coins de sa maison un spahi, et qui te regarde avec des yeux de spahi. Que voulez-vous dire? Je trouve que le semestre du cousin se prolonge bien longtemps, voilà. Voilà 8 mois qu'il dure, le semestre du cousin. Il a obtenu une prolongation, c'est tout. Ça ne serait rien encore s'il se contentait de prendre ses repas, son absinthe, son café, son petit verre, etc., etc. Mais il est toujours là, entre nous deux, là, comme un mur mitoyen. Eh bien, c'est ennuyeux de ne pouvoir être seul qu'à trois. Si au moins... Quand la blanche Phébé. Qu'est-ce que c'est que ça? La lune, c'est la lune. Descends sur l'horizon, pour vous montriez moins cruel. Ah, nous y voilà. Caroline, vous dormez d'un côté et moi de l'autre, deux chambres. C'est bon ton. C'est l'usage chez les gens comme il faut. Vous avez reconnu vous-même que cet arrangement était nécessaire à cause de votre rhume. Impossible de fermer l'œil, vous toussez. Ouais, mais je suis guéri. Je ne tousse plus. Caroline, je ne tousse plus. Au contraire. Maintenant, je soupire. Si tu savais comme je soupire. n'est pas honteux, à votre âge. Là, je n'y fais rien. Regarde Ninon de l'Enclos. Voilà. Monsieur Galimard, vous n'êtes qu'un mauvais sujet. Quelle est belle, ma femme. Ah, je suis bien fâché de m'être enrhumé cet hiver. Eh bien, qu'attendez-vous là, hein? Rien, j'étais venu chercher de l'eau pour ma barbe, mais puisque Jeannette n'y est plus... Mais donnez, je vais vous en faire chauffer, moi, de l'eau pour votre barbe. Caroline. Quoi? Rends-moi le petit passe-partout qui ouvre. Laissez-moi, vous êtes fou. Oh! Elle sort. Toujours faire maigre. C'est une position anormale. Car enfin, même dans le carême, il y a la mi-carême. Et il me semble que comme mari, je pourrais... Eh bien non, non, non, non. Je n'ai pas le droit d'exiger, après ce que j'ai fait. Moi qui, le jour de mon mariage, aurais pu disputer à ma femme le bouquet virginal, j'ai osé faire un voyage à Paphos. Tiens, Galimard, tu me fais horreur. C'était le jour des rois, il y a 6 mois. J'avais beaucoup toussé dans la nuit, mon médecin me dit, « Papa Galimard, voilà un mauvais rhume, il faut porter de la flanelle. » Vous allez voir comme tout s'enchaîne. Je lui réponds, docteur, je suis un homme, je porterai la flanelle. Là-dessus, je prends ma canne, je cours chez mon ami Guénuchon, qui m'avait invité à déjeuner, on sert des truffes. Vous allez voir comme tout s'enchaîne. Nous rions, nous buvons, et au dessert, Guénuchon veut me parler de l'avenir de la France. Je lâche. À peine dans la rue, je m'aperçois que ma tête... Tel vin blanc. Vous allez voir comme tout s'enchaîne. J'entreprends le boulevard. Arrivé au passage de l'opéra, j'aperçois une boutique qui avait l'air d'en vendre de la flanelle. Je lui dis, monsieur, et on me répond, le magasin est au premier. Une fois là, oh, c'est horrible. Vous allez voir comme tout s'enchaîne. Je me trouve seul, sans armes, en face d'une affreuse jeune fille de 18 ans. Une peau éblouissante, des yeux noirs et des sourcils à vous manger l'âme. Ah, je ne sais ce qui se passe en moi, le vertige, les truffes, le vin de Guénuchon. Je me sens un frisson, je veux me reculer. Horreur! Je venais de perpétrer un baiser sur le front d'albâtre de Malvina, de cette pompadour en flanelle. Vous allez voir comme tout s'enchaîne. De fil en aiguille, je l'invite à dîner chez Véry, cabinet numéro 6. Les bougies s'allument, le champagne ruisselle, ma tête s'égare, et alors, dame, mettez-vous à ma place. À minuit, le garçon m'apporte la carte. Cette liquidation me rappelle à tous mes devoirs. Je me lève, je paye, et je me sauve, en oubliant ma tabatière, décorée de la charte et du portrait du général Foy. Un honnête homme, celui-là. J'ai dit à ma femme que j'avais oublié chez un ami, enfin, une craque. Le crime vous fait marcher de crac en crac. Hélas, depuis ce dîner funèbre, je traîne une conscience chargée de remords. Je ne mange plus, je ne bois plus, je ne respire plus. La nuit, je me réveille en sursaut, et qu'est-ce que je vois? Accroupi sur mon chevet, le garçon de chez Véry, qui me présente un buisson d'écrevisse en me criant « Baoun, Baoun !» Ah, maudit soit le jour où j'ai eu besoin d'un gilet de flanelle. Alexandre, le cousin, le spahi, entre un bouquet à la main. Il le cache derrière son dos en apercevant Galimard. Alexandre. Oh, le mari. Galimard, le spahi. Il doit être l'heure de déjeuner. Bonjour, cousin. Bonjour, bonjour. Pas mal, merci. J'attends de l'eau chaude. Ah ça. Est-ce que nous n'allons pas déjeuner? T'as là, qu'est-ce que je disais? Un moment, nous n'avons pas de cuisinière. C'est que je viens de fumer un cigare qui m'a ouvert l'appétit. Ah, vous fumez, vous. Oui. On me l'a défendu, à moi. Tenez, voici votre eau. Ah, merci, ma bonne. Alexandre offrant son bouquet à Madame Galimard et l'embrassant. Ma cousine, voulez-vous me permettre de vous souhaiter... Galimard cherchant à l'écarter. Oui, eh bien, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est la fête de ma cousine. La fête? Vous l'avez déjà souhaitée hier. Hier, c'était la veille. Mais oui, mon ami, ça se souhaite aussi la veille. Pourquoi pas toute l'année, hein? Veut trop refroidir. Allez, allez, allez, allez vous faire la barbe. Allez, allez, allez, allez, allez. Mais allez. Allez vous faire la barbe. Allez vous faire la barbe. Je vais me faire la barbe. Il sort. Madame Galimard et Alexandre. Oh, les beaux camélias. Alexandre, ce n'est pas bien. Vous avez fait des folies. Vous êtes si bonne pour moi. De mon côté, je me suis occupée de vous. Comment? Tenez, vilain fumeur. Elle tire de sa poche un porte-cigare. Que vois-je? Un porte-cigare brodé à mon chiffre. Chut! Si mon mari savait, moi qui lui ai défendu de fumer. Oh, des panatellas. Caroline, je les fumerai sur la terre étrangère. Ah, mon Dieu, est-ce que vous partez bientôt? Hélas, dans quelques jours. Oh, oh. Si vous le vouliez un peu, Caroline, mon cœur pourrait emporter d'autres souvenirs. Que voulez-vous dire? Auriez-vous déjà oublié le jour des rois, chez Véry? Cabinet numéro 7. Silence! Chut! C'est mon mari. Bah, il se fait la barbe. Quelle délicieuse soirée. Assis tous deux sur un moelleux divan. Assez, assez. Déjà nos mains s'entrelaçaient. Alexandre! Chut! Tout à coup, vous vous levez en poussant un cri. Oui, une voix qui venait de se faire entendre dans le cabinet voisin. Mais non, c'était ce garçon qui nous servait en criant « Baoun !» Ah non, non, non, cette voix m'a terrifiée. Quelle était-elle, je ne sais pas, mais j'en suis sûre, elle ne m'était pas inconnue. Alors impossible de vous retenir, vous prîtes votre châle, votre chapeau, et depuis tout fut inutile, prière, amour, supplication. Alexandre, Alexandre, ce nom. Oh. Anthony paraissant à la porte du fond, son paquet sous le bras. Peut-on entrer? Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce bien ici, madame... attendez, j'ai l'adresse. Il tue une adresse de sa poche. Madame Galimard, rue des Moulins, 12 bis. J'ai vu cette figure-là, moi. Moi aussi. Anthony lisant. En son absence, s'adresser à monsieur Galimard, son époux, même rue, même numéro. c'est tout. Ah non, il y a encore autre chose. Sonnez très fort. Oui, j'ai trouvé la porte ouverte. Ah, c'est tout. Ah non, il y a encore autre chose. Dans le cas où l'on n'ouvrirait pas, c'est que tout le monde serait sorti. Voilà. Voilà. Allez. Alors, madame Galimard, vous connaissez ça, vous? C'est moi. Oh, la bourgeoise. De la courtoisie. Que demandez-vous? Madame, votre tante, après m'avoir examinée, m'a dit que je pouvais me présenter comme domestique mâle. Ah, ah oui, oui. Oui, je vous attendais. Alors, pour ce qui est de la probité et de la propreté, alors on peut s'adresser à monsieur Véry. Hein? Je desservais le 6 et le 7. Ah! Oh, oh, oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Alexandre! Alexandre, vous décidez! Alexandre et madame Galimard tournent vivement le dos à Anthony et se cachent la figure avec leur mouchoir. Pour ce qui est de cuisiner, madame, je cuisine. Et pour ce qui est de frotter, je frotte. Et la pâtisserie aussi. Elle a mal aux dents, la bourgeoise. Pauvre femme. Se tournant vers Alexandre. Pour ce qui est de cuisiner, je cuisine. Pour ce qui est de frotter, la pâte... Lui aussi? Il paraît que la maison est humide. Monsieur, je peux vous indiquer un remède. C'est très simple. Vous prenez une taupe. Non, merci, merci, merci. Non, non, non, merci. Gagnant la porte du fond et se cachant le visage. Anthony se retourne du côté de madame Galimard. Madame, vous prenez une taupe. Non, c'est bien, c'est bien. Non, non, non, non. Je vais vous envoyer mon mari. Mettez le couvert. Les assiettes sont là, dans l'armoire, là. Et la cuisine? Par là, par là. Très bien. Je vais dire à Galimard de le mettre à la porte et tout de suite. Je suis agréé. C'est une affaire arrangée. Du moment que je plais à la femme, le mari... Le mari, c'est de la gnognotte. Pendant ce qu'il suit, il ouvre son paquet, il prend sa veste et la passe. Je crois que je serai très bien ici. La maison paraît calée. En entrant, j'ai vu 14 paires de bottes sur une planche. Règle générale, toutes les fois qu'on voit 14 paires de bottes sur une planche, on peut dire, voilà une maison calée. Moi, j'aime les gens riches. D'abord parce qu'ils sont riches, ensuite parce qu'ils ont de l'argent. Allons, c'est décidé, moi je me fixe ici, j'y fais mon trou. Ah, la bourgeoise m'a dit de mettre le couvert. Ah là, où sont les assiettes? Ah, dans l'armoire. Il prend une assiette tout en essuyant. Mais qu'est-ce que je demande, moi? Qu'on me nourrisse bien, qu'on me paye bien, qu'on me laisse prendre du ventre tranquillement. Voilà pour le temporel. Quant au spirituel, je suis exempt de passion. Je n'aime ni le jeu, ni le vin, ni le... Ouais, ça, il y a les femmes, oui. Ouais, ben, eh ben non, j'ai pourtant jamais été cavalcadour sur cet article-là, non? Et pourtant, chez Monsieur Véry, oh, oh, j'étais aux premières loges pour me brûler le sang. Oh, oh, quand on a servi le 6 et le 7, bigre de bigre. Il y faisait chaud dans le 6 et le 7. Oh là là là là là là. Après ça, moi, je regardais personne. Je m'occupais de ma petite affaire, mes assiettes, mes couteaux, mes fourchettes. C'est au point que j'aurais pu servir ma propre femme sans la reconnaître. Si toutefois, j'avais eu une femme propre, enfin, qui me soit propre. Mais enfin, pour le quart d'heure, c'est pas là ce que je cherche. Mélancoliquement. Oh non, ma vie a un autre but. Je cherche mon père. Pauvre Anthony. Enfin, je suis ce qu'on appelle un jeu de l'amour et du hasard. Et à force de démarches, je me suis procuré deux renseignements précieux. Il y a 26 ans, à l'époque de ma naissance, mon père s'appelait Anatole et sa taille était d'1m70. Alors dès qu'un Anatole paraît, il tire de sa poche un mètre en ruban de fil rouge, semblable à ceux dont se servent les tailleurs. Crac, je le mesure. Hier, j'en ai au nez un sur le boulevard. Le misérable. Il s'en est fallu de 5 cm qu'il ne fût mon père. Quelque chose. Malédiction. Il fait un geste et laisse tomber une assiette qui se casse. Ah, sapristi. Sapristi, qu'est-ce qu'on va dire? Il ramasse ses morceaux et les met dans sa poche. Oui, comme ça, ça se verra pas. Morceaux cachés sont à moitié raccommodés. Chez Monsieur Véry, on me faisait payer la casse. Au bout de 6 mois de service, nous avons fait nos comptes, je lui en devais 80 francs. Ah oui. C'est l'exploitation de l'homme par la porcelaine, ça. Alors je lui ai dit, monsieur, je vois bien que je n'ai pas les moyens d'être votre domestique. Je suis bien votre serviteur. Voilà, mon couvert est mis. Il doit être l'heure du déjeuner. Alors nous disons que la cuisine est par là. Il entre dans la cuisine droite. On entend un bruit de vaisselle épouvantable. Ah, sapristi, qu'est-ce qu'on va dire? Entre Galimard. C'est bien, c'est bien, c'est bien, j'en fais mon affaire. Je vais lui donner son compte au domestique mâle. Et ça sera pas long. Enfin, ma femme reconnaît mon autorité. Je me suis montré, j'ai dit je le veux, et nous allons prendre Jeannette. Ah, ça où est-il, cet animal-là, que je le flanque à la porte? Garçon! Garçon! Anthony entre vivement un plat d'écrevisse à la main. Baoun! Galimard, se retournant, jette un cri. Ah! Oh mon Dieu! Cette voix, ces écrevisses, le garçon de chez Véry. Il tire vivement son mouchoir et s'en couvre le visage. Anthony sort. Le bourgeois, lui aussi? Il paraît que c'est une famille qui est en train de faire ses dents. Je suis perdu. Cet homme chez moi et ma femme, quelle position. Un jour où j'attends du bois. Anthony, c'est le moment de lui présenter mes hommages. Si je pouvais le renvoyer sans qu'il me reconnût. Monsieur Galimard? Mon nom. Il sait mon nom, je suis reconnu. Il ôte son mouchoir. Je vous prie d'agréer l'assurance. A-t-il l'air sûr de son fait? De la parfaite considération? Il rit sardoniquement. Le gueux. Avec laquelle j'ai l'honneur. C'est égal, j'aurai du courage. D'être votre très humble. Je n'irai effrontément. Il n'a pas de preuve. Très respectueux et très obéissant. Et je le flanquerai serviteur à la porte. Il a des fourmis dans les jambes, le vieillard. C'est mal dedans, mon pauvre homme. Galimard allant résolument vers lui. Mon ami, je suis désolé, mais nous ne pouvons pas nous entendre ensemble. Comment ça? Tu comprends, à mon âge, on a besoin d'être dorloté. Ah, mais pour ce qui est de dorloté, je dorlote. Non, oui, je le pense bien, mais rien ne vaut les soins d'une femme. En conséquence, tu vas me faire le plaisir. Comment vous me renvoyez? Non, non, non, non, non, mais enfin, je te donne ton compte, quoi. Voilà, puisqu'il n'a pas de preuves. C'est bien, bourgeois. C'est bien, vous êtes le maître. Mais je vous avoue que je ne m'attendais pas à ça. Je me croyais à peu près sûr de mon affaire. Galimard, voyez-vous le gueux? Prendre des domestiques à l'heure, c'est pas bien, ça. C'est pas bien du tout. Et si on était méchant ? Anthony jouant machinalement avec une tabatière. Galimard aperçoit la tabatière. Ciel ! La tabatière ! Le général Foy ! Il a des preuves ! Vous me permettrez bien de faire mes adieux à madame, monsieur. Je vais lui parler, et quand elle saura... Ma femme ! Il va tout lui dire ! Je suis dans ses griffes. Non, non ! Non, c'est inutile ! Reste ! Tu me conviens beaucoup. Je t'arrête. Anthony, hein? Non, tu sais bien que je ne peux pas faire autrement. Ah, ben la bonne heure. Eh ben franchement, vous ne trouveriez pas mieux. Vous savez, quand on a desservi le 6 et le 7... Mais tais-toi! Mais tais-toi donc! Il n'est pas nécessaire de rappeler, surtout devant ma femme. Ah, c'est juste, je comprends vos scrupules. À part, c'est un homme chaste. Je m'abstiendrai de toute gaudriole. Que dira ma femme à présent? Mais comment acheter son silence à lui? Ah, monsieur, je voulais vous demander, paye-t-on la case dans cette maison? Oui. Ah. Ah. Oh, non, enfin, c'est-à-dire non. Comme tu voudras. Hein? Comme tu voudras. Comme je voudrais. Bon, bah alors on la paye pas. Quoi. Ouais, c'est... Voilà. Ah, parce que je m'empresse de vous prévenir. Il tire de sa poche les morceaux d'assiettes et les met les uns dans les autres dans les mains de Galimard. Comment? Mes assiettes? Ah non, mais ça fait de l'effet comme ça, mais il n'y en a que deux. Enfin, jusqu'à présent, il n'y en a que deux. Ah ben, ça promet. Mon petit, casse, brise, ne te gêne pas. Gredin. Anthony à part, quelle différence avec M. Véry. Je l'aime bien, moi, ce vieillard. Quand monsieur voudra déjeuner, moi, je suis bien en train de déjeuner. Non, je n'ai pas faim. Et madame, non, elle a le temps. Non, mais je vais vous dire, je m'inquiète comme ça, bourgeois, de votre appétit, et celui de la bourgeoise aussi, c'est que je songe au mien, n'est-ce pas? Comment, oh, tiens. Ah oui, j'ai l'estomac d'un creux, hein, et comme il serait peut-être pas convenable que je déjeune avant vous... Il a repris sa tabatière et joue encore avec elle sans s'en apercevoir. Galimard, ben, il veut déjeuner avant moi. Non, du moins, enfin, ça se faisait pas comme ça chez Monsieur Véry. Silence! Silence. Enfin, quand je desservais le 6, c'est... Mais encore, mais te tairas-tu? Tiens, assieds-toi là et mange. Mange. Plaît-il? Jette brusquement sur une chaise. Allez, avale. Avale et tais-toi. Il paraît qu'on mange à la table des maîtres. Je m'habillerai pour dîner la prochaine fois. Paraît Madame Galimard. Eh bien, est-il parti? Galimard, ma femme. Anthony tendant son verre. Patron, donnez-moi à boire. Madame Galimard. Oh! Anthony. Quoi? Madame Galimard, il m'a reconnu. Et devant mon mari. Galimard, à part. Mais que lui dire? Tu vois, Caroline, tu vois, c'est ce pauvre garçon qui déjeune. Il mourrait de faim et il déjeune. Anthony, oui, je déjeune. Je mourrais de faim et je déjeune. Madame Galimard. Eh bien, mais il n'y a pas de mal à ça. Continuez, mon ami, continuez. Galimard, étonné. Hein? Anthony, son ami? Mais il n'a rien à manger, ce garçon. Voyez donc, Galimard, dans le buffet, des biscuits, des confitures. Voilà, j'y vais. Madame Galimard bat à Anthony. Silence devant mon mari. Anthony, hein? Galimard, voici. Galimard bat à Anthony. Motus devant ma femme. Quoi? Madame Galimard apportant une bouteille. Il reste du madère. Galimard... Du madère? Faut-il qu'elle aime les domestiques mâles? Anthony, avec grâce. Ah, oh, je vous demanderai une petite cuillère. Ah oui, vite, une cuillère! Vite, une cuillère! Mais où avez-vous mis les petites cuillères? Qu'avez-vous fait, les petites cuillères? Mais où sont les petites cuillères? Vous brouillez tout ici! Eh bien, il n'y a pas à y tenir. Ils se heurtent l'un l'autre. Anthony, seul. On est vraiment très bien ici. Le service y est doux, le madère sec. Seulement, il y a une chose que je comprends pas. La femme me dit silence et le mari motus. Motus, ça m'étonne pas, c'est du latin. Entre Alexandre. Il entre vivement par le fond sans voir Anthony. Enlevé. Je suis donc enfin parvenu à le dérober, ce charmant petit passe-partout. Il a effectivement le passe-partout à la main. Apercevant Anthony. Ah, c'est toi, je te cherchais. Moi? Je viens t'offrir deux choses, de l'or ou des coups de cravache. Oui, ben je demande à réfléchir. Non, des coups de cravache, si tu parles, De l'or, si tu veux me servir. Vous servir, mais c'est impossible, je suis engagé avec Madame Galimard. Et pour rien au monde... Qu'est-ce que vous donnez? Imbécile, tu ne m'entends pas? Toi, mon domestique? Et pourquoi pas, en payant très cher. Tiens, tu n'es pas si bête que je croyais. C'est le madère. Je vais te donner des instructions. Je me suis procuré le passe-partout. Ah, le voici. Ah. Alexandre, en tirant le passe-partout de sa poche, a laissé tomber le porte-cigare. Oh, vous perdez quelque chose! Il le ramasse, Alexandre. Oh, mon porte-cigare! Il le prend et l'embrasse. Elle l'a brodé pour moi, à mon chiffre, un A. Ange. Anthony, vous vous appelez Ange? Non, mais non! Mais non, mais non. À 10 h, quand tout le monde sera couché, tu laisseras la porte du carré entrouverte. Pourquoi faire? Pour achever ce que j'ai commencé. Quand? Le jour des rois. Ah, où? Tu le sais bien, hein? Je le sais bien. Silence! Silence, on vient plus tard, nous reprendrons cette conversation. Je le veux bien, oui. Et jusque-là, tais-toi, tu comprends? Tais-toi, tu comprends l'importance. Mais je comprends, c'est-à-dire que je ne comprends rien. Oh, tiens, là, la bourgeoise. Les moments sont précieux, monsieur. J'ai à vous parler. Anthony, c'est pour quelque chose de pressé? Vous savez tout. Que pourrais-je vous apprendre? D'ailleurs, mon trouble, mon émotion, quand vous êtes entré, je... Anthony, à part comment j'ai troublé la bourgeoise? Ah, ça, mais est-ce que je... Madame Galimard a pas... Oh, mon Dieu, quelle humiliation, un domestique. Elle est jolie femme. Et puis, sans sortir de la maison... Non, je sais que les apparences sont contre moi, monsieur, mais au moins n'allez pas me juger sur un moment d'oubli dont je n'ai pas à rougir, croyez-le bien. Oh, madame... Non, mais qui sait? C'est peut-être la Providence qui vous a jeté sur mon chemin pour me rendre le calme, le repos, le bonheur. Oh, le bonheur! Oh, madame, c'est... Je suis exactement dans la position de Ruy Blas, faisant l'œil à la reine d'Espagne. Lorsque je suis fâché d'être un cuisinier, il jette au loin son tablier. Surtout, le silence le plus absolu devant mon mari. Bah, tiens, parbleu! Je suis pas assez bête pour aller. Enfin, on compte jamais ces choses-là au roi d'Espagne. Si je puis compter sur vous. Oui, il faut pourtant que je lui dise quelque chose d'aimable. Comme Napoléon sur sa vieille garde. Et en échange, je vous donnerai. Anthony avançant la joue. Quoi? Les clés de la cave. Et encore? Je vous mettrai à même le sucre, les liqueurs, mais... Et encore? Madame, je ne sais plus, moi... Je... Oh, chercher. Chercher. Oh, subir de pareilles exigences. Enfin, tout ce qui est ici sera à vous. Il lui prend vivement la main. Tout? Oh, merci. Chut! Chut! Monsieur Galimard! Le roi d'Espagne, Mazette. Il abandonne brusquement sa main... saute sur une poignée de fourchette qu'il se met à essuyer avec acharnement. Madame Galimard s'échappe par la droite. Galimard, paraissant à gauche, s'en va rendu. Oh, décidément, j'aime mieux le renvoyer. Je ne peux pas vivre comme ça. Anthony à part, pauvre homme. Quand je pense que je suis à la veille de lui conditionner ça, en lui offrant un billet de 5, l'affaire doit s'arranger. Ah, te voilà. Comme vous voyez, bourgeois, tu n'as pas vu ma femme? Non. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit de mettre le gigot en mayonnaise et le poulet aux haricots. Voilà tout. Exactement. À part tromper un vieillard. Oh, après ça, il est bien cassé. Avec toi, je n'irai pas par 4 chemins. Voyons, veux-tu 100 francs? Pourquoi faire? Pour t'en aller. Tiens, je risque jusqu'à 200. C'est-à-dire que vous me chassez? Te chasser, ouais. Tu sais bien que je n'en ai pas le droit. Ah bon, alors je reste? Ne sommes-nous pas unis par des liens trop étroits? Nous deux? Sa femme, je dis pas, mais... Ah, voilà les suites d'une faute. La seule dans une vie pure. Anthony, à part... Mais qu'est-ce qu'il chante? Galimard, faute déjà ancienne? Oui, enfin, j'y suis, quoi, une vieille faute, quoi. Que je cherchais à oublier. Mais que ta présence est venue réveiller. Anthony à part avec émotion. Oh mon Dieu, quel soupçon. Je ne sais ce que j'éprouve. Galimard, que te dirais-je? Le vin de Guénuchot. Anthony, qui ça, Guénuchot? Mon ami intime. Et puis les gilets de flanelle. Et puis, elle avait des yeux si noirs. Anthony, noir? C'est bien ça. Attendez donc, attendez donc. Il tire son maître de sa poche. Sa voix était si câline quand elle me disait « Anatole ». Anatole, permettez. Il court vivement à lui et le mesure. Mais qu'est-ce que tu fais? Juste 1m70. Oh! Il lui saute au cou et l'embrasse avec transport. Mais finis donc, voyons. Tu m'étrangles, imbécile. Oh, que cela fait du bien. Oh, que cela fait du bien. Oh, c'est drôle, je ne croyais pas avoir cette bosse aussi développée. Serrant les mains de Galimard avec tendresse. Oh, bon vieillard. Bon vieillard. Galimard, ben, qu'est-ce qu'il lui prend? Anthony, dites donc. Je trouve que vous me ressemblez. Et moi? Allons donc. Enfin, je vous retrouve. Il lui embrasse les... Oh, bon vieillard. Bon vieillard. Mais quel drôle de cuisinier. Mais ne me tapote donc pas comme ça. Ne me tapote donc pas comme ça. Non, mais pardonnez-moi, mais c'est la joie, le bonheur. Il y a si longtemps que je vous cherche, mais maintenant je ne vous quitte plus. Je m'attache à vos pas, je me cramponne à votre existence. J'irai jusqu'à 500 francs. 500 francs. Non, non, non, je ne demande rien. Je ne veux rien que vous voir, vous aimer, vous serrer, vous enlacer. Oh, bon vieillard. Bon vieillard. Il l'embrasse. Mais j'ai une chemise blanche, tu me chiffonnes. Oh, quel drôle de cuisinier. Anthony avec mélancolie. Et puis, nous parlerons d'elle, la malheureuse. Galimard à part. Malvina. Nous en parlerons quelquefois, enfin souvent, toujours. Non, non, mais je n'y tiens pas. Et ma femme? Comment? D'abord, si Madame Galimard venait à savoir, j'en mourrais net. Oh oui, oh, assez, je comprends. La société vous impose des devoirs. Énorme, énorme, c'est ça, énorme. Mais il suffit, je saurais comprimer des élans qui... Enfin, je tâcherai de museler mes sentiments. Enfin, je me tairai, quoi. Voilà, voilà. On ne t'en demande pas davantage. Tais-toi. Ah oui, mais vous permettrez à ma main de rencontrer votre main dans l'ombre. Oh. À quoi ça sert? Hein? Anthony, à quoi? À part. Oh, Saturne, dieu du temps, comme tu racornis le cœur des hommes. Une voix sous la fenêtre. Monsieur Galimard, c'est votre bois! Hein? Hein? Oh, ça précise, mon bois! Anthony, quoi, vous partez? Vous me quittez comme ça, comme un étranger, sans me serrer la main? Oui, oui, alors tiens, voilà. Enfin, voyons, dépêchons-nous, j'ai du bois, car il est insupportable. Hein? Un instant, vous ne sortirez pas comme ça. Comment? Non, le temps est pluvieux, vous n'êtes pas couvert. Bah, non, non, non, non, non, c'est que vos jours ne vous appartiennent plus maintenant. Non, non, non, non, non. Il lui donne un vieux carrick qu'il prend dans son paquet. Tenez, enveloppez-vous bien, bon vieillard. Là, comme ça, comme ça. Croisez sur la poitrine, tous les boutons, tous les boutons, hein, tous les... Non, mais enfin, enfin. S'il veut se taire et ne pas m'embrasser tout le temps, ça ne sera pas un mauvais domestique. Ah, un cache-nez, hein? Au moins, comme ça, vous aurez bien chaud. Portez-vous les bas de laine. Non, non, ça me picote. Ouais, ta-ta-ta-ta-ta, ça me picote. Ta-ta-ta-ta, ça m'est égal. Ça vous picotera, mais je veux que vous emportiez des bas de laine avec des galoches. Mais cependant... Ah, ah, je le veux, je le veux. Il lui donne des petites tapes sur la... Ouais, ça va bien, mais j'emporterai. Despote. Mais qu'est-ce que ça lui fait, enfin? Maintenant, allez, et pas d'imprudence. Bon vieillard, bon vieillard. Quelle sensibilité. Il doit être de l'association fraternelle des cuisiniers. Sorti de Galimard, Anthony le reconduit et lui envoie des tas de baisers quand il a disparu. Anthony, enfin, enfin je l'ai trouvé. Je le tiens, celui que je cherche depuis si longtemps. Ah, oh, j'ai oublié de lui donner de mes cheveux. Oh, Il s'en coupe avec un couteau une mèche qu'il plie dans un papier. Oh, quelle journée! D'un côté, un père, de l'autre, une femme charmante qui... Oh mon Dieu, la femme de mon père. Ma mère. Oh, c'est-à-dire ma marâtre. Phèdre et Hippolyte. Oh, j'allais commettre une tragédie envers. Envers mon père. Monsieur Galimard! Monsieur Galimard! Putain, c'est elle, la femme de Thésée. J'ai le frisson. N'approchez pas, madame. C'est impossible. Ne comptez plus sur moi. Mais qu'avez-vous donc? Si vous saviez. Quoi? Rien, je ne peux pas le dire. Mais vous êtes fou. Ne m'approchez pas. Jamais, jamais. Horreur! Non, mais vous m'ennuyez à la fin. C'est aussi payer trop cher une imprudence, parce que je suis allé dîner chez Véry sans faire de mal avec mon cousin Alexandre. Vous? Faire avec un spahi. Et puisque c'est vous qui nous serviez. Moi? Mais vous ne savez non rien? Rien du tout. Comment? Il serait possible! Il ne sert... Tu ne sais rien? Mais alors je te chasse! Va-t'en! Et elle va chercher le paquet d'Anthony au fond. Tiens! Mais pourquoi ça? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et moi qui tremble? Elle rit nerveusement. Mais cependant... Vite, ton paquet, allez! Tu ne sais rien! Allez! Mais... Tiens! Va-t'en! Mais je ne veux plus te voir! Elle pousse Anthony qui sort tout étourdi jusqu'à la porte du fond. Enfin, me voilà débarrassé, et pour toujours. Oh, ouf! Anthony reparaît, son chapeau sur la tête et son paquet sous le bras. Peut-on entrer? Encore toi? Ben oui, j'ai fait une réflexion. Je me suis dit, la bourgeoise m'a chassé parce que je ne savais rien. Eh bien? Eh ben, je sais tout maintenant. Ah, puisque vous me l'avez dit. Ah! Oh mon Dieu, c'est vrai! Oh. Anthony posant son paquet. Baoul! Parle! Que veux-tu? Je comprends. Je comprends mes devoirs, je saurai les remplir. Je saurai protéger papa Galimard. Mais que prétendez-vous? M'attacher à vos pas. Me placer entre vous et votre complice. Il marche sur Madame Galimard qui recule. Mais monsieur, si vous sortez, je sortirai. Si vous rentrez, je rentrerai. Si vous prenez l'optibus, je le prendrai. Si vous entrez au bain, je... Non. Non, ça, c'est pas permis. Je vous attendrai à la porte. Voilà, madame, voilà ce que je prétends faire. Mais c'est affreux. Mais c'est épouvantable. C'est affreux. Oh, vous avez beau faire. À partir d'aujourd'hui, je déclare la guerre à cet Alexandre qui... Alexandre qui a entendu les derniers mots d'Anthony. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que monsieur s'est arrangé le droit de nous épier, de nous surveiller, comme un... Très bien, très parfaitement bien. Qu'est-ce que nous allons voir? Je t'ai offert tout à l'heure de l'or ou des coups de cravache, n'est-ce pas? De l'or ou des coups de cravache? Oui, oui, mais j'ai demandé à réfléchir, et réflexion faite, je choisis les coups de cravache. Très bien, je vais chercher la chose. Non, vous n'irez pas. Pourquoi? Parce que quand on me frappe, je suis comme les cloches, je bavarde. Baoun! Baoun! Baoun! Et comme j'ai desservi le 6 et le 7, misérable! Alexandre! Oh non, non, Alexandre! Mais n'ayez donc pas peur, madame. Au fait, je suis bien bon de m'emporter. Je n'ai rien à craindre. Quand même, tu voudrais parler. Qu'est-ce que tu pourrais dire, hein? Ce que je pourrais dire? Et si vous aviez oublié sur la table, entre la poire et le fromage, une pièce à conviction? Est-il possible? Que dit-il? Je vais les foudroyer. Il place la tabatière de Galimard sous le nez d'Alexandre. Tremblez! Alexandre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en use pas. Anthony, ah? Se retournant vers Madame Galimard. Tremblez! Ah! Ciel! La tabatière de mon mari. Elle arrache la boîte des mains d'Anthony. Galimard entrant par le fond. Hein? Anthony. Comment? Oh, sapristi, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Galimard, ben, il m'a trahi. Gredin, là. Madame Galimard examinant la tabatière. Oui, c'est bien cela. Je la reconnais. Et il l'a oublié chez Véry. Ah! Ah, monsieur Galimard, nous allons avoir une explication. Alexandre à part. Ça se garde, bravo. Anthony à part. Papa était dans le 6. Madame Galimard. Ah, vous voilà, monsieur. Oui, ma bonne, oui, c'est moi. Je viens de faire rentrer mon bois. Oh, attends, attends, il ne s'agit pas de cela, n'est-ce pas? Non, mais tu seras contente, c'est de l'orme. Ça tient la chaleur. Madame Galimard lui présentant la tabatière. Connaissez-vous ceci? Je crois que oui, le général Foy, la charte. Oui. Anthony à part, il l'a un peu violée, la charte. Gaillard, va. Madame Galimard. La voilà nous retrouver, cette boîte, oubliée chez un ami. Non? Un ami. Ah. Oui, oui, il paraît que... Anthony, à part... Oh, pauvre papa, il me fait l'effet d'une mouche tombée dans du miel. Et chez quel ami, s'il vous plaît? Dame, chez... Oh, je ne sais que lui dire, moi. Anthony, à part, soufflant à Galimard. Guénuchot. Chez Guénuchot. Merci, gredin. Vous êtes allé dîner chez Véry. Oui, qui... Nous sommes allés... Enfin... Guénuchot est allé dîner chez Véry le jour des rois, avec une petite, avec Malvina. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une affreuse jeune fille de 18 ans qui est dans la flanelle. Il aura oublié ma tabatière, et puis et voilà, Anthony, et voilà, tout s'explique. Galimard, tout s'explique. Je m'en suis bien tiré. Merci, gredin. Monsieur Guénuchot, cette voix que j'ai entendue. Alexandre et Galimard. Ah, ça que tout est éclairci, n'est-ce pas? Nous dînons en famille. Anthony, c'est ce que nous allons voir. Galimard, comment? Anthony et Alexandre. Ah, mais c'est impossible. Vous oubliez donc que vous partez ce soir pour l'Afrique. Alexandre, hein, Madame Galimard, hein? Galimard, hein? Mais non. Mais pas du tout. Mais voyons, pas du tout. Anthony. Baoun. Oui, en effet. Oui, je pars. Un ordre du ministre. Bah, Madame Galimard, il faut que je vous parle. Anthony se plaçant entre eux. Vous dites... Alexandre, bien, je vais fumer un cigare. Il remonte en tirant de sa poche le porte-cigare brodé par Madame Galimard. Galimard. Ah, vous êtes bien heureux de fumer. Moi, ma femme me le défend. Voilà. Anthony. Allons donc, elle vient de vous broder un charmant porte-cigare. Alexandre. Le mien? Anthony. Ah, Madame Galimard. Mais faites donc voir, madame. Est-il possible? Non, mais c'est une erreur, ce garçon rêve. Je n'ai jamais... Anthony, qui s'est approché d'Alexandre, lui jette dans l'oreille. Baoun. Alexandre passe vivement le porte-cigare à Madame Galimard. Madame Galimard, voilà. Le voici. Le voici, mon ami. Galimard. Et brodé à mon chiffre encore. Alexandre à Madame Galimard, lui montrant le passe-partout. Ce soir, à 10 h, avant mon départ. Galimard à sa femme. Ah ça, mais c'est donc un raccommodement. Mais nous ne nous sommes pas brouillés, que je sache, n'est-ce pas? Eh bien alors, Caroline, je ne tousse plus. Rends-moi le petit passe-partout qui ouvre Anthony à part. Oh, pigre, je l'oubliais, Madame Gabriel. Non, mais le passe-partout, j'ignore. J'ignore ce qu'il est devenu. Elle se rapproche vivement d'Alexandre et lui arrache le passe-partout. Anthony bat à Galimard. Vous ne savez pas lui demander ça? Dites-lui simplement Baoun. Comment? Allez, très fort. Caroline! Encore! Oh! Je t'en prie. Je t'en supplie. Elle ne m'écoute pas du tout. Anthony, mais allez, allez donc. Caroline! Si tu pouvais lire dans mon cœur tout ce que... Baoun! Ah! Ah! Le voici, mon ami! Le voici! Voilà! Elle lui remet le passe-partout. Anthony à part. Voilà une razzia. Galimard. Ah, ça, c'est prodigieux. Ça, c'est prodigieux. Qu'est-ce que je te dois pour ça, Anthony? Je vais vous le dire. Il le conduit mystérieusement à l'autre extrémité de la scène et après s'être assuré que les autres personnages ne le regardent pas, lui remettant avec mystère un petit paquet enveloppé de papier. Chut! Cachez ceci. Qu'est-ce que c'est? Ce sont mes cheveux. Il prend un couteau sur la table et coupe par surprise une mèche à Galimard. Aïe! Mais enfin, voyons! Au comble de l'attendrissement, il se jette dans ses bras, le dévore de baisers. Ah, bon vieillard! Bon vieillard! Galimard, tu dis, mais quel drôle de cuisinier! Quel drôle de cuisinier! C'était Lecture à une voix, une émission de Michel Polac, Un garçon de Chevéry, de Jeanne Labiche, interprété par Robert Hirsch. Première diffusion sur la chaîne nationale, le 1er janvier 1962. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Thank you.